What? What is this? What is this, YouTuber? What is this, YouTuber? Quelqu'un qui fait des pranks ou développe ou bien un live? Quelqu'un qui véhicule des vidéos? C'est quelqu'un qui est libre, quelqu'un qui fait du vélo libre sur papier libre, expression nouvelle vision par le montage son. Il paraît qu'ils racontent leur vie en vidéo. Il y a bien des no life, caméra à like. Le meilleur pseudo, je suis un fan. Je lance un pouce rouge et vous encourage. Si je te déplais sur les faits, t'écoutes mon commentaire à l'aise. À cela ressemble à du chiffre, des affaires, des numéros sur coup après coup qui coûte un coup. Des numéros et un bon repos après dodo, aussitôt que plus tôt. Non, je demande rien. Ah merci, 10 balles. Et mais tu rembourses tes manches. Je persévère et assemble les pièces dans mes mélodes. Je suis sur le fil Ariane. YouTube, la machination qui est faite, c'est dit. Lâcher une pouce vers le haut pour la planète. Tu me fais rire, tu me donnes des sentiments et je me compare à toi. Je tombe love et je m'abonne dans quel coin à la chaîne. Ils enchaînent les chaînes sur YouTube, te caches-tu? Bien sûr, tu proposes du cinéma sur le montage de ta story et souris ou tu souris. Le jeu vidéo est devenu capitaliste avec les youtubeurs et les programmeurs institutionnels, pro-gamers. Putain de cette planète, il n'y a pas d'endroit où tu peux te faire ce qui te plaît sans te sentir obscurci par le pouvoir de l'argent. Toujours consommer, aller encore plus loin. Bientôt les publicités dans les jeux. Ah merde, c'est déjà fait. Le jeu égale évasion fiscale, non pas par des champions qui font des champions aux licences de jeux sans cours de récréation. Le réseau est obscurci, les abonnements payants et le droit de jouer est devenu free to play. Pas plus capitaliste, n'existe, mais ça m'excite car je mange à leur table publicitiste. Je donne des faits sur le jeu, à répartir, on me file un setup qui up. Hashtag mafia, je viens par derrière planter le décor. Hashtag mafia sur YouTube, les youtubeurs font la mage. Hashtag mafia, je parle bien de eux qui font du fake. Hashtag mafia, c'est un jeu après tout, qui est un jeu, je joue. La question est si tu serais pas pillé, le ferais-tu? Allez hop, j'ai coulé YouTube. Entre toi et moi, on n'a pas les mêmes jeux. Réalité ou virtualisation, je te fais un dessin réel, sensation égale épanouissement. Eux, c'est les consoles, une histoire qui sort des médias télévisés où un gros magot de pognon circule à travers des équipes aux joueurs du monde entier qui jouent à Fortnite pour faire la guerre à VR, c'est devenu un sport. Hashtag mafia, je viens par derrière planter le décor. Hashtag mafia, sur YouTube les youtubeurs font la mage. Hashtag mafia, je parle bien de eux qui font du fake. Hashtag mafia, c'est un jeu après tout, qui a un jour, je joue.